Je passe ma vie sur mon ordinateur à consulter des sites pornos, voir des tronches de cons, des tronches de corps. Il y en a qu'une centaine, c'est tout le temps les mêmes. Pas de mystère, on revient tous à la terre. Il ne reste si peu de temps à vivre qu'il de ce grand univers. Et peut-être s'il y a un autre univers, alors il y a à penser.